Mandrin, chef des contrebandiers, par Feng Brentano. La contrebande était populaire dans l'ancienne France, car elle ne s'exerçait pas aux dépens du gouvernement national, mais aux dépens des fermiers généraux, une association de financiers qui avait pris à bail à ferme la perception des contributions et s'efforçait de faire rendre à ces dernières, et par les moyens quelquefois les plus violents, les plus fortes sommes possibles. Au contrebandier, le bon Béranger, encore ne faisait-il pas chanter « Châteaux, maisons, cabanes, nous sont ouverts partout. Si la loi nous condamne, le peuple nous absout. » Louis Mandrin, dont le nom devait devenir si célèbre, naquit dans une petite ville du Dauphiné à Saint-Étienne de Saint-Jouard, le 11 février 1725. Il était l'aîné de 9 enfants. Son père, François Mandrin, était un honnête marchand au détail, dont la boutique s'élevait au cœur de la petite ville, au croisement des deux rues les plus fréquentées. On y débitait des marchandises diverses, de la mercerie et des liqueurs, des étoffes et de menus bijoux d'or et d'argent pour les fiancés de village. La mort de François Mandrin, le 20 janvier 1742, à l'âge de 42 ans, laissait à son fils aîné, qui entrait dans sa 18e année, la charge de toute la famille. Louis Mandrin se mit bravement à la besogne, augmentant les petits revenus qui pouvaient être tirés de la boutique paternelle par un commerce de maquignons. Dans cet ordre d'idées, il passa le 1er mai 1748 avec des banquiers de Lyon, agissant pour le compte de l'administration militaire, un contrat à l'effet de fournir une brigade de 100 mules et mulets, bâtés et harnachés, pour les transports de l'armée d'Italie, que commandait le maréchal de Belle-Île. Louis Mandrin arriva en Italie avec sa brigade, mais pour y apprendre la conclusion de la paix. On lui signifia que son convoi était devenu inutile. Pour comble de malheur, une maladie contagieuse tomba sur ses bêtes. La plupart périrent. Quelques-unes roulèrent dans les précipices des Alpes. Mandrin ramena tristement à Saint-Étienne de Saint-Jouard une demi-douzaine de mulets. Soutien de veuve et chef d'une famille de 9 enfants, Mandrin était ruiné, car il ne put obtenir aucune indemnité. Ce fait est d'une importance capitale dans la vie de notre contrebandier, car la colère, justifiée en somme, qui en agita sa pensée, devint le motif principal de la résolution désespérée où il tomba en se jetant dans la contrebande. Ce qui distinguera Louis Mandrin, lui créera une rapide renommée, ce sera d'abord son don d'organisation et de commandement. Ce seront ensuite ses rares qualités militaires. Sur son lit de mort, l'illustre maréchal de Lorvendal, le vainqueur de Berkobzoum, dira qu'il ne voyait que Louis Mandrin pour le remplacer à la tête des armées françaises. Enfin, Mandrin avait au plus haut point la hardiesse de la conception et la sûreté rapide de l'exécution. « Torrent impétueux, nul rempart ne l'arrête », dit un de ses biographes. Il se retire en Savoie, province qui faisait alors partie du royaume de Sardaigne et bornait la frontière de la France. Des troupes régulières sont envoyées contre lui. Mandrin ne recule pas, mais il veut organiser avec soin les moyens d'attaque qu'il jugera nécessaires. Il compose sa bande, avec le plus grand soin, d'hommes robustes et infatigables, et comme on en a encore connu sur les frontières au siècle dernier. « J'ai vu, dans ma jeunesse, écrit un de ces historiens nommé Jarnin, j'ai vu un homme faisant le métier de Mandrin. Avec un ballot d'étoffe anglaise sur le dos, il franchissait nos lignes de douane dans la nuit, sans se préoccuper des chemins battus. Il dormait le jour et refaisait la nuit suivante ses 12 lieues, tels les montagnards, compagnons de Mandrin. » Le 5 janvier 1754, Mandrin entra brusquement en France à la tête de sa petite armée, car il avait réuni et équipé une véritable armée avec de petits canons à la biscayenne, des armes, des chariots pour les bagages et le matériel. La contrebande était portée à dos de mulet. Et l'on vit, durant plusieurs mois, nos compagnons parcourir franchement routes et bourgs du Dauphiné, débitant gaiement leur contrebande. Tabac, flanelle, étoffes imprimées, imitations d'indiennes et de l'excellente poudre de chasse, le tout de premier choix et un prix sensiblement inférieur à celui qu'on avait coutume de payer, car notre jeune contrebandier partageait équitablement la différence qui provenait de la suppression des droits entre ses compagnons et la clientèle. Il avait pris pour devise « s'enrichir en faisant plaisir au public ». Il y réussit. Il fallait voir nos contrebandiers organiser leur campement avec étalage de marchandises en des lieux sûrs, généralement sur les hauteurs, et des postes de vigoureux gaillards, armés jusqu'aux dents, faisaient le guet de crainte de quelques surprises. Les troupes envoyées contre les Mandrins furent déroutées. les officiers qui les condamnaient avaient affaire à plus habiles et plus résolus qu'eux-mêmes, et puis les populations favorisaient les contrebandiers. Les curés de campagne allaient jusqu'à leur offrir leurs églises pour entreposer leurs marchandises. On essaya alors de frapper nos audacieux négociants, en remettant en vigueur les édits qui interdisaient, sous les peines les plus sévères, d'acheter quoi que ce fût à des contrebandiers. Mandrin répliqua que, puisqu'on l'empêchait de faire honnêtement son commerce, il s'adresserait aux employés, commis et entreposeurs des fermiers généraux eux-mêmes, pour les contraindre à lui acheter les marchandises qu'on voulait l'empêcher de vendre aux particuliers. Et de fait, le voici, le 30 juin 1754, à Rodez, une ville de plusieurs milliers d'habitants, entourée de fortifications. Mandrin paralyse toute résistance par la rapidité de son attaque. Il entre dans la ville et se dirige aussitôt vers la demeure de l'entreposeur de tabac, représentant des fermiers généraux. Il se présente à la tête de 52 compagnons bien armés et qui mènent plusieurs mulets chargés de tabac. Très poliment, M. l'entreposeur est prié d'acheter et payer comptant la cargaison tout entière. L'entreposeur se demandait s'il rêvait. Pistolets, sabres et carabines, d'un sinistre cliquetis, le rappelaient à la réalité. Il fallut s'exécuter, prendre le tabac, verser la somme exigée, 2494 livres 5 sols, dont Mandrin donna quittance. Les Mandrins partis, M. l'entreposeur eut la curiosité de faire peser le tabac. Le point indiqué se trouva rigoureusement exact, et ceci va se renouveler en 100 endroits divers. Quant à la maréchaussée, aux troupes de Gapiot, nous dirions Gabelou, et aux dragons envoyés à la poursuite des hardis partisans, comme les carabiniers légendaires, ils arrivaient toujours trop tard. La carrière de Mandrin, capitaine général des contrebandiers, tient tout entière en cette année 1754, que notre jeune dauphinois remplit de l'une des plus étonnantes épopées militaires dont l'histoire ait gardé le souvenir. Le point culminant en est peut-être la prise de Bonne, qui eut un écho retentissant dans l'Europe entière. Après chaque campagne, Mandrin et ses hommes rentraient en Savoie pour s'y reposer et faire des provisions nouvelles en marchandises. En plein hiver, les contrebandiers rentrèrent en France par les gorges des montagnes dans la nuit du 14 au 15 décembre 1754. Ils passèrent sous le feu des canons de Besançon. Le 16 décembre, aux environs de Dole, les cavaliers d'Harcourt étaient surpris par eux et mis en déroute. Le 18, ils se présentaient sous les murs de Bonne. La ville était murée, fossoyée. Les remparts en étaient garnis d'artillerie. Le maire donna ordre de lever les ponts-levis à l'apparition des Mandrins. Mais les contrebandiers donnèrent l'assaut, et en moins d'une heure, la ville était prise. Mandrin s'empara du maire de Bonne, Pierre Gillet, et lui annonça qu'il frappait la ville d'une contribution de 25 000 livres en punition de la résistance qui lui avait été opposée. Il s'était présenté, lui, avec de bons sentiments et d'excellentes marchandises, et on lui avait fermé la porte au nez. Ce n'était pas des procédés. Et l'argent fut versé, et le maire Gillet et l'adjointero offrirent en outre au vainqueur le vin d'honneur dans la grande salle du conseil. Et les Mandrins repartirent fièrement, le chapeau peut-être quelque peu sur l'oreille, car ils avaient beaucoup bu, dans la direction d'Autun. Au mois de janvier 1755, on retrouve le jeune capitaine au château de Rochefort en Avalaise, près de Sainte-Marie-d'Alvey en Savoie, à une lieue de la frontière française que décide le cours du Guier. Mandrin se trouvait en terre du roi de Sardaigne et pensait qu'il y était à l'abri. Son séjour fut dénoncé aux agents des fermiers généraux, et ceux-ci, qui ne parvenaient pas à s'emparer de leur génial adversaire en terre de France, crurent qu'il leur était permis d'aller le surprendre au milieu de la nuit, en plein sommeil, sur une terre étrangère où il devait se croire en sécurité. C'était dans la nuit du 10 au 11 mai que le coup de main fut exécuté. Un détachement d'Argoulais, c'est-à-dire de soldats d'aventure et de fortune, commandés par le colonel de la Morlière, franchirent la frontière du roi de Sardaigne et vinrent surprendre Mandrin au château de Rochefort en Avalaise. On le tira de son lit, le mit sur une charrette, ficelé comme un boudin, et le ramena ainsi en France dans les geôles des fermiers généraux. Une commission spéciale était établie à Valence, au gage des fermiers généraux, spécialement outillés pour juger les procès de contrebande. Comme on redoutait les réclamations de la cour de Sardaigne pour l'imprudente violation de son territoire, le procès fut mené avec une rapidité inaccoutumée. Dès le 25 mai, Mandrin était condamné à mort par le supplice affreux de la roue. L'exécution eut lieu le 26 mai devant une foule accourue de 15 lieues à la ronde. Il mourut bravement, noblement. La torture à laquelle Mandrin avait été soumis avant le supplice n'avait pu lui arracher le nom d'aucun de ses complices, ni aucune accusation contre eux. À la cour de Turin, l'indignation fut très vive quand on y apprit le guet-apens de la nuit du 10 au 11 mai et le coup de force du château de Rochefort. L'ambassadeur de France fut renvoyé et l'ambassadeur de Sardaigne auprès de Louis XV fut rappelé. Le roi de France dut verser des indemnités aux habitants du château de Rochefort et du bourg voisin qui avait été maltraité, et une ambassade extraordinaire dut venir jusqu'à Turin y exprimer des regrets et formuler des excuses. Dans la région, Savoie et Dauphiné, le nom du jeune contrebandier est resté populaire. Malgré les calomnies et les pamphlets que les fermiers généraux firent imprimer et répandirent à profusion, le jeune maquignon de Saint-Étienne de Saint-Jouard est demeuré pour ses compatriotes et jusqu'à aujourd'hui l'enfant téméraire qui avait fait briller aux yeux des humbles des lueurs de liberté. C'était Mandrin, chef de contrebandier, par Feng Brentano.